Les moyens de transport. La voiture. La moto. La trottinette. La bicyclette. Le vélo. Le bus. L'autobus. Le car. L'autocar. Le tram. Le tramway. Le taxi. Le métro. L'avion. Le bateau. Le scooter. Le cheval. Le train. Le TGV. La gare. La gare routière. La station de métro. La station de taxi. Le port. L'aéroport. L'arrêt de bus.